Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes maintenant prêts à aborder le deuxième point de notre chapitre 10 alors que nous parlerons de l'ambassade McCartney de 1793. Il s'agit en fait de l'un des premiers sujets que j'ai étudié et sur lequel j'ai d'ailleurs publié un livre en 2007 aux presses de l'Université Laval. C'est un livre qui s'intitule « Diplomatie, rhétorique et canonnière » et qui explore les relations entre la Chine et l'Angleterre depuis l'ambassade McCartney de 1793 jusqu'à la première guerre de l'opium de 1840-42. Comme nous l'avons mentionné avant la pause, l'Angleterre est devenue au 18e siècle la première puissance commerciale maritime de la planète et conséquemment la première puissance européenne en termes de la valeur des échanges commerciaux avec la Chine. À titre d'exemple, on note que le volume des échanges commerciaux de l'Angleterre avec la Chine augmente de manière considérable, surtout vers la fin du siècle, au point de passer de 60 000 livres en 1760 à plus de 680 000 livres en 1793. Il n'est donc pas surprenant de voir que l'Angleterre a rapidement été le pays pour lequel l'instauration du système de cantons par les autorités impériales chinoises s'avéra le plus problématique. En fait, l'instauration du système de cantons entraîna pour les Anglais de nombreuses frustrations, tant sur le plan juridique que sur le plan commercial, incluant notamment des questions liées à l'endettement des membres de la guilde du Kohong, mais aussi des questions liées de manière générale au déficit commercial de l'Angleterre. Plusieurs épisodes expriment sous divers angles ces frustrations de l'Angleterre, à commencer par l'affaire James Flint de 1759. Alors que, vers la fin des années 1750, les mesures commerciales étaient de plus en plus restrictives dans la ville de Canton et que l'ensemble du littoral était fermé aux étrangers, Flint avait tenté de rejoindre le nord de la Chine, espérant se rendre directement à la cour impériale afin de communiquer certaines doléances des marchands britanniques. Il s'était alors rendu jusqu'au port de Tianjin, mais il avait été arrêté puis emprisonné pendant 3 ans pour ce qui était perçu comme un affront à la face de l'autorité impériale. L'emprisonnement de Flint est souvent perçu comme le point de cristallisation qui marque la fermeture et les restrictions exprimées par la mise en place d'un système commercial rigide à partir de Canton dès 1760. Mis à part les tensions liées au déficit commercial et aux frustrations des marchands britanniques qui devaient se plier aux règles commerciales limitatives prescrites par le gouvernement impérial chinois, on remarque aussi une augmentation des tensions d'ordre juridique entre les deux pays. La question qui sous-tendait ces tensions était fort simple en soi. Lorsqu'il advenait des rixes entre des marchands anglais et des marchands chinois, quel système juridique devait être utilisé pour juger les contrevenants? Lorsqu'il y avait des problèmes entre des marchands étrangers entre eux, par exemple, une bataille entre un Français et un Anglais résultant en la mort d'un des protagonistes, le gouvernement chinois préférait laisser les étrangers se réguler entre eux. Mais lorsqu'il y avait des citoyens chinois impliqués, la réponse n'était pas toujours aussi évidente. L'affaire du Lady Hughes en 1784-85 est certainement l'événement le plus connu qui a fait ressortir au grand jour la complexité des tensions juridiques entre l'Angleterre et la Chine des Qing. Pour faire une histoire courte, lors d'un salut au canon qui se déroulait à bord du Lady Hughes, 3 Chinois furent blessés et 2 en moururent dans les jours qui suivirent. Les autorités locales exigèrent que le coupable soit livré pour être jugé. Mais les autorités anglaises répondirent qu'il n'était pas possible de savoir exactement lequel parmi tous les coups de canon qui fut celui qui s'avéra fatidique et qui entraîna la mort des deux Chinois. Après de longues négociations, ponctuées de menaces d'interruption commerciale par les autorités chinoises, on décida de remettre un marin aux autorités afin qu'il soit jugé. Mais celui-ci fut rapidement exécuté, ce qui suscita un tollé parmi la communauté des marchands britanniques. C'est donc pour tenter de résorber l'ensemble de ces problèmes, qu'ils soient liés au déficit commercial, sur lequel nous reviendrons sous peu, à l'endettement de certains marchands chinois, mais aussi aux différentes approches juridiques entre les pays, que le gouvernement britannique décida d'envoyer une ambassade à la cour impériale chinoise afin de modifier le cours des relations sino-britanniques. C'est en 1787 qu'on décide d'envoyer l'ambassade Cathcart, mais cette dernière n'a jamais eu lieu puisque l'ambassadeur est mort en cours de route, avant même d'arriver en Chine. L'Angleterre s'est donc repris quelques années plus tard en envoyant l'ambassade Macartney de 1793. De manière générale, comme je l'écrivais en 2007 dans mon livre « Diplomatie rhétorique et canonnière », l'objectif premier de l'ambassade anglaise de 1793 était pour l'Angleterre de se faire connaître par la dynastie Qing, et sur ce point, forcé d'admettre que ce fut mission accomplie. On sait, par exemple, que depuis l'arrivée des Occidentaux en Chine au 16e-17e siècle, il y a eu de très nombreuses confusions dans les représentations faites par les Chinois à l'égard des étrangers qui venaient en Chine et qui étaient affiliés à différentes dénominations nationales. À titre d'exemple, il n'est pas rare de rencontrer dans les sources d'époque des signes de confusion, alors qu'on distingue très peu les habitants du Portugal et de l'Espagne. Même chose pour ceux des Pays-Bas et de l'Angleterre qui sont souvent confondus entre eux. Mais si on considère les documents d'archives produits dans le cadre de l'ambassade Macartney, on constate qu'à cette époque, les autorités chinoises semblaient parfaitement conscientes de la spécificité des Britanniques à l'égard des autres pays européens. Ou du moins, ils savaient pertinemment que ce sont eux qui avaient la plus grande part des échanges commerciaux entre la Chine et l'Occident. Si on se place strictement sur le plan de la reconnaissance de la spécificité de l'Angleterre, on doit donc reconnaître que l'ambassade de 1793 fut un succès. Toutefois, sur le plan plus spécifique des demandes déposées par l'ambassadeur anglais, ayant pour objectif une amélioration des relations commerciales, on se doit de reconnaître, à la suite de nos prédécesseurs, que l'ambassade fut un échec lamentable sur pratiquement toute la ligne. Les demandes de Lord Macartney visaient l'ouverture de 5 nouveaux ports au commerce et un accès libre des marchands dans tous ses ports, un accès commercial à la capitale, la cession d'une portion de territoire pour les marchands anglais, ainsi que l'abolition de nombreuses taxes commerciales et l'instauration de droits d'ancrage fixes. Sur chacune de ces requêtes de l'Angleterre, l'empereur Qianlong opposa une fin de non-recevoir, arguant l'inutilité et tout simplement le fait que l'état des relations commerciales sino-britanniques était parfait comme il était, puisque lui, l'empereur de Chine, s'en occupait déjà très bien, avec bienveillance, et qu'il n'y avait donc rien à y changer pour personne. Sur tous les plans, on refusait aussi de concéder à l'Angleterre ce qui aurait pu être perçu comme un traitement de faveur par les autres nations européennes qui étaient présentes en Chine. Le résultat de l'ambassade de 1793 a certes été fort décevant, mais l'Angleterre tenta tout de même de poursuivre la fragile conversation diplomatique qui venait de s'amorcer, en envoyant d'abord une correspondance pour l'empereur quelques années plus tard, puis une deuxième ambassade officielle en 1816. Mais le résultat de cette deuxième ambassade diplomatique fut encore plus décevant que lors de l'ambassade McCartney de 1793, puisque l'ambassadeur choisi, Lord Amherst, a été renvoyé de Chine sans jamais avoir été reçu en audience par l'empereur Taiching en 1816. Bref, de tout ceci, l'état des relations commerciales et diplomatiques sino-britanniques ne s'est nullement amélioré, et les insatisfactions vécues par les marchands britanniques depuis l'instauration du système de cantons en 1760 continuèrent à susciter des frustrations, au point qu'il fallut attendre les guerres de l'opium pour voir la situation changer. C'est là une leçon un peu cynique de l'histoire, mais en observant l'évolution des relations entre les deux pays, on constate que l'Angleterre aura eu besoin des guerres de l'opium pour réussir à obtenir les faveurs qu'elle voulait obtenir de la part de l'empereur de Chine lors de l'ambassade de 1793, voire même lors de l'affaire James Flint de 1759. Parlant de la guerre de l'opium, il nous reste encore un peu de temps aujourd'hui à l'émission pour débuter tout de suite le troisième point de notre dixième chapitre portant justement sur la première guerre de l'opium. Mais avant de parler en détail de cette première guerre de l'opium, il est important de prendre quelques minutes pour expliquer le rôle joué par le commerce de l'opium dans ce conflit sino-britannique. D'abord, disons d'emblée que l'opium est un produit qui, en soi, était connu en Chine depuis au moins le 6e siècle et qu'on l'utilisait de manière, diverses manières dans la pharmacopée chinoise depuis longtemps. Mais à partir du 17e-18e siècle, suite à l'augmentation du commerce international, de nouvelles pratiques de consommation vont se développer en Asie, alors que les Portugais et les Hollandais vont ajouter du tabac à la consommation de l'opium, créant ainsi une résine différente permettant l'usage de la substance de manière récréative. Ce nouveau mode de consommation a rapidement pris de l'ampleur, si bien que l'on vit apparaître une première prohibition de la consommation d'opium en Chine, énoncée par l'empereur Yongcheng en 1729. Par ailleurs, on a mentionné précédemment l'importante augmentation du commerce de l'Angleterre en Asie de manière générale au 18e siècle et de manière plus spécifique avec la Chine. Or, la majorité de ce commerce comprenait pour l'Angleterre des achats de thé, alors que la population britannique découvre graduellement les vertus de ce breuvage autant dans la bourgeoisie que dans les classes laborieuses. C'est d'ailleurs vers la fin du 18e siècle que le thé devient pratiquement la boisson nationale en Angleterre. Ce qu'il faut comprendre de cette augmentation prodigieuse des achats de thé, c'est que ce commerce est largement déficitaire pour l'Angleterre tout au long du 18e siècle, puisque la Chine n'achète pratiquement rien aux marchands britanniques, si ce n'est par politesse à l'occasion, en retour des quantités phénoménales de thé qu'elle vend. À titre d'exemple, qui montre cette augmentation considérable des ventes au 18e siècle, la Chine exportait environ 42 000 kg de thé en 1700, et ce total passa à environ 10,5 millions de kilogrammes en 1800. Et quand on sait qu'environ 60 % du commerce occidental avec la Chine se faisait à partir des bateaux anglais, on comprend que la proportion des achats de thé par l'Angleterre est tout autant considérable. Or, puisque la Chine n'achetait pratiquement rien en retour des quantités astronomiques de thé qu'elle vendait aux étrangers, l'augmentation des achats de thé signifiait donc littéralement une augmentation proportionnelle du déficit commercial de l'Angleterre avec la Chine. L'Angleterre a cherché une voie officielle pour résorber ce déficit commercial et changer la nature des échanges économiques entre les deux pays. C'était notamment un des enjeux qui était en arrière-plan de la mission diplomatique de 1793. Mais, comme l'ambassade McCartney s'avéra un échec sur le plan des relations commerciales, les Anglais durent s'appuyer sur une autre stratégie afin de trouver une manière de balancer leurs comptes avec la Chine. Et cette solution, elle est venue du commerce de l'opium, tout simplement. Nous connaissons bien la guerre de 7 ans au Québec, guerre qu'on nomme aussi la guerre de la conquête, puisque c'est au cours de celle-ci que la France a perdu ses possessions coloniales en Amérique du Nord et que la Nouvelle-France est devenue la province de Québec. C'est notamment au cours de cette guerre qu'a eu lieu la célèbre bataille des Plaines d'Abraham en septembre 1759. Mais la guerre de 7 ans qui a eu lieu entre 1756 et 1763 a aussi eu des répercussions monumentales en Asie. Alors que l'Angleterre s'est imposée aux Indes à partir de cette guerre. D'abord au détriment des comptoirs commerciaux de la France qui y étaient établis. L'Angleterre a notamment pris le contrôle de la péninsule du Bengale au cours de la bataille de Plassey en 1757. Et c'est à partir de ce moment qu'elle a aussi pris le contrôle d'un réseau de production du pavot et donc de l'opium qui en est extrait. Dès lors, il y a un commerce triangulaire qui s'est mis en place entre l'Inde, la Chine et Londres, au profit de cette dernière, et les principaux produits échangés dans ce commerce qu'on appelait le « country trade », c'était tout simplement l'opium, le thé et l'argent. Pour résumer rapidement la situation, disons pour l'heure que les marchands britanniques vendaient de l'opium en Chine pour financer leurs achats de thé. Mais comme le temps avance, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous poursuivrons la suite de ce récit la semaine prochaine. Pour la dernière pièce de la journée, on va faire un pas de plus sur la route qui nous entraîne à détruire les préjugés qu'on peut avoir sur le monde dans lequel nous vivons. Comme vous le savez, je vais toujours choisir de la musique chinoise pour accompagner cette émission. Les seules exceptions à ce principe sont venues lors d'émissions spéciales, et c'était des pièces musicales qui étaient suggérées par nos invités en lien avec les thématiques qu'ils abordaient, que ce soit les relations avec la Russie ou la guerre civile espagnole. Mais pour le reste, toutes nos pièces musicales viennent soit du monde chinois, au sens large du terme, ou soit elles sont interprétées en langue chinoise. On a longtemps associé à la musique chinoise des formes un peu stéréotypées. Et c'est un peu pour cette raison que je tente de varier le plus possible les genres musicaux, pour offrir un éventail le plus large possible de ce qui peut se faire sur le plan musical dans le monde chinois. Mais la musique chinoise, comme on le découvre de semaine en semaine, ce n'est pas seulement de la musique ancienne ou de la musique jouée à partir d'instruments traditionnels. Et comme autre preuve, s'il était besoin d'en rajouter une, je vous présente aujourd'hui un groupe de musique électronique qui m'a été recommandé par Pat, que je tiens à remercier fortement pour cette excellente suggestion. Avec cette dernière pièce de la journée, on plonge dans l'univers sombre et mélodique d'un groupe originaire de Beijing du nom de Saliva D, un groupe qui est composé de Li Chao à la musique et de Aizin Joro Yuantin aux effets visuels. Petite note au passage pour celles et ceux qui nous ont suivis au cours des dernières semaines, vous aurez remarqué que l'expression Aizin Joro est aussi le nom par lequel on désignait en langue manchoue le clan impérial de la dynastie Qing. La pièce que je vous propose aujourd'hui est tirée d'un album qui s'intitule Forsaken, lancée en février 2019. Et c'est une pièce qui s'intitule « Can't Go Back ». Alors, on termine aujourd'hui avec quelques pas de danse bien mérités, en offrant ce morceau à toutes celles et ceux qui se sont lancés dans un projet pour lequel ils ont un jour franchi le Rubicon. Parce qu'on le sait, lorsqu'on prend une décision et qu'on se lance dans une nouvelle direction, parfois, le retour en arrière est impossible et c'est très bien ainsi. Puisqu'il faut continuer d'avancer, voici donc la pièce « Can't Go Back » interprétée par Zaliva D. Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧.